Mélodie Compa. Est-ce qu'elle ne t'a pas dit tes frères? Il était créé l'univers. Malgré tout, ne pas me satisfaire. Ambition fait faire, ça ne pas plus faire. Nous, elle est tête, nous, grande puissance. L'argent vient bien plus importance que la vie. Chaque ça nous fait une conséquence. Mais qu'il a, ne va pas qu'on sait ce qu'il y a, nous, pas que défense. Nous faire, nous fait être normal. C'est vulnérable, puis souffrir. Peut-être nous créer une maladie. Nous pas de passer d'âme dans courir. Virus l'envahit de fruits. Quand nous pas j'en fais attention. Tout le temps pour nous faire prévention. Comme ça que nous fait tourner bâton. Mais qu'il est, nous va pas conscience. Qu'il est, nous pas que défense. Nous fait, nous fait être nous mal. Nous. La vie dit ça oui. Je sais où est pour vivre. Alors ce n'est pas la fin, mais c'est le commencement de la fin.